Chapitre 5, 25 avril. Je me suis aperçu cet après-midi que j'avais omis de prendre avec moi ces lettres. Force m'a donc été de descendre quérir dans ma cellule du premier étage le coffret en laque de Chine où elles étaient enfermées. Comme je passais devant la porte maudite, il m'a semblé entendre qu'on fredonnait. En remontant, j'ai prêté l'oreille. Rien ne bougeait à l'intérieur. Nul autre bruit vivant que le murmure de cette voix qui flottait, indécise et comme assoupie, dans le silence. C'était la voix de la trécoroise, mais à peine reconnaissable, tant les inflexions, naguère encore si pures, en étaient vieillies, cassées, chevrotantes. Le chant disait « J'ai bâti ma maison sur le bord de la grève. Je me suis sauvée. » Mais toute la soirée, ce chant m'a poursuivie. Ce chant, et aussi le ton lamentable, le ton morne et saccadé tout ensemble de la voix qui chantait. Pour faire diversion, j'ai vidé sur mes genoux le contenu du coffret aux reliques. À manier cette petite boîte légère, à respirer la pénétrante odeur de choses exotiques qui s'en exhalent, je me suis rappelé une nuit d'il y a 10 ans, à Saïgon, là-bas, sur l'autre bord du monde. C'était au cours de ma première campagne, un 15 août. À cause de la fête de l'empereur, on nous avait donné Campos. « Viens-tu, paternoster ?» m'avaient dit les camarades. Et par crainte du ridicule, j'étais allé. La maison, tout en bois, avait de grands stores flottants qui laissaient entrer la fraîcheur du fleuve. Sur des nattes de joncs multicolores, des femmes peintes vêtues d'étoffes à ramages mimait je ne sais quelle légende asiatique au son d'une musique assourdie. Tout autour, une assistance composite faisait cercle. Des marins de l'État et du commerce, des Chinois fumeurs d'opium, des pirates aux moustaches en parenthèse, descendus des hautes terres dans leurs sampans. Soudain, une espèce de vieux petit magot à figure ratatinée poussa la porte. Il disparaissait sous une charge d'objets de toutes formes et de toutes dimensions et me fit penser aux tamisiers nomades qui parcourent le Léon chaque été avec des sacs à farine empilés sur leur dos. D'une voix obséquieuse et en multipliant de tous côtés les salutations, il se mit à offrir sa marchandise. Il ne pouvait tomber plus mal, le pauvre diable. Des cris, des vociférations l'accueillirent. « Jim, dehors ! Allô, Jim ?» Lui, effaré, se confondait de plus en plus en révérences, en grimaces qui voulaient être des sourires. Une brute quelconque l'empoigna, le pétrit comme une boulette et l'envoya rouler tout sanglant à mes pieds. Seul, peut-être, parmi les gens qui étaient là, je n'étais pas ivre. J'eus pitié de cette misérable locumène et la couvris de ma protection. Jim sortit du bouge sur mes épaules, sinon intact, du moins vivant. Sa pacotille, en revanche, était fort avariée, sauf quelques coffrets en lac, dont celui-ci, qu'aussitôt hors de péril, il s'empressa de me tendre avec des gestes suppliants et mille simagrées. « Joli, beaucoup joli souvenir pour bonne amie !» bredouillait-il en son charabia. Je crus un témoignage de gratitude, un cadeau. Je ne connaissais pas encore le prodigieux esprit de mercantilisme de ces peuples. Jim eut vite fait de me détromper. « Toi, donner petit argent, moi, laisser pas cher. » Il s'était cramponné à ma vareuse. Je ne me débarrassais de lui qu'en lui jetant à la figure une pièce de 5 francs. Dans les premiers temps de notre mariage, Adèle prenait un malin plaisir, chaque fois que nous étions en compagnie, à me faire raconter l'histoire du coffre à Jim. Jamais il ne m'a quitté, ce meuble minuscule. Il fut de tous mes voyages, et ici, à Gorlébella, il m'a tenu société durant mes longues solitudes. C'était une de mes distractions favorites, les nuits si fréquentes, où je ne dormais pas, d'ouvrir l'un après l'autre ces tiroirs à secrets et d'inventorier d'un doigt pieux les humbles archives de ma vie confiées à sa garde. Je viens de les étaler auprès de moi sur mon banc de veille. Voici mon certificat de baptême, délivré par M. Abgral, recteur de Plounéventer. puis mon diplôme de membre de la congrégation de Saint-Joseph au collège de Saint-Paul. Cette image représentant un calice d'or devant lequel sont agenouillés deux anges dans les nues me fut donnée le jour de ma première communion par la vieille béguine qui, au soir d'hiver, nous faisait repasser notre catéchisme. Et voici le sou de 18 deniers percé d'un trou et marqué d'une croix que ma mère me remit à la dérobée comme un talisman le matin de mon départ pour le service. « Il avertit des mauvais sorts, me dit-elle tout bas, et brillera dans l'obscurité si quelque malheur te menace, toi ou l'un des tiens. » De ma mère aussi, cette médaille d'argent à l'effigie de Notre-Dame de l'Ocrist. Les cheveux dont fut tressée cette bague, pâles et soyeux comme du lin cardé, je les reçus en commémoration de la prise de voile de ma sœur Anne-Marie, religieuse au couvent des Augustines de Carré. Mon livret, mes papiers de matelot maintenant, mon brevet de quartier-maître, ma nomination de gardien de phare, enfin les lettres. Il y en a 11 en tout. 3 sont de mes parents, 8 sont signés d'Adèle. Celles-ci portent la plupart le timbre des messageries du Levant. De leurs enveloppes fanées se dégage encore le parfum de nos fiançailles. 2, d'une encre qui n'a pas eu le temps de jaunir, sont adressées à M. Gulvendenes en Plogoff. Dans l'une, ma femme m'annonçait son heureuse arrivée à Tréguier, son réveil dans sa chambre de jeune fille et la joie enfantine qu'elle avait eue en s'habillant à sa fenêtre à entendre claquer dans la rue les socs des sœurs du tiers-ordre se rendant aux messes d'aube, et les Martinets, chers à Saint-Yves, piaillés dans les meurtrières de la tour d'Hastings, au-dessus de la cathédrale. Dans l'autre, la plus récente, elle me prévenait que les noces prochaines d'une sienne cousine l'obligeraient sans doute à retarder d'une semaine son retour. Au bas de cette lettre, mon ingénieur, se lisaient les lignes suivantes, que je vous demande la permission de transcrire. Suis-je assez tête folle? J'allais oublier une démarche dont on m'a chargé auprès de toi. Il s'agit du frère de mon futur cousin par alliance, un garçon très bien, paraît-il, que je dois avoir pour cavalier. Son congé fini dans l'infanterie de marine, il a fait comme toi, s'est présenté à l'examen des phares. Il vient d'être nommé gardien de 3e classe au Cap Fréhel. Mais cela ne lui dit pas de s'en aller en pays gallo. Puis il préférerait un poste en mer. Il prétend qu'on avance plus vite. Gorlébella, d'après ce qu'il m'a fait savoir, lui plairait beaucoup. N'y aurait-il pas moyen qu'il permute avec un de tes hommes? Cheventon, c'est sûr, ne voudra pas. Sa diablesse d'Ilienne se noierait dans le rat plutôt que de consentir à perdre de vue son île. Mais Hamon, le célibataire, voudra peut-être, lui qui n'est jamais bien que là où il n'est pas. Tâche de le décider. Ma cousine qui t'envoie ses amitiés t'en sera reconnaissante, et moi-même, je t'avoue, je ne serais pas fâchée que tu aies un compagnon d'esprit ouvert et d'humeur agréable comme est de la vie publique le jeune homme dont je te parle. T'ai-je dit qu'il a nom Hervé Louarn, des Louarn de Kerglas, proche de notre ancienne résidence de Bodic? Cela était griffonné d'une plume hâtive et comme négligemment jeté en post-scriptum. Précaution d'ailleurs bien superflue, j'avais en ma femme une confiance aveugle. Je l'aimais d'un amour si fort et si compact que la dent du soupçon se fût brisée à vouloir y mordre. Je me sentis seulement un peu triste à l'idée qu'il me faudrait vivre à terre 8 jours sans elle, car je quittais Gorlébella par le bateau qui m'avait apporté sa lettre, et c'est Hamon, précisément, qui se trouvait être mon remplaçant. Je l'entretins tout de suite, tandis que le ravitailleur débarquait les provisions de l'offre de permutation qui lui était faite. Docile aux recommandations d'Adèle, j'insistais pour qu'il acceptât et lui présentait sous les couleurs les plus riantes la situation qui l'attendait au Cap Fréhel. C'était un esprit inquiet, destiné à être partout malheureux, mais toujours avide de changer de misère. Il me demanda 48 heures pour réfléchir. Après-demain, sur le coup de midi, je vous donnerai ma réponse, me dit-il. Nous convînmes qu'il arborerait au mât du phare la flamme rouge, signal du beau fixe, si c'était oui. Le drapeau noir, présage de tempête, si c'était non. Deux jours plus tard, l'Angélus de midi sonnant à Plogoff, je vis, de la roche où je me tenais en observation, tout à l'extrémité de la pointe, la flamme rouge s'éployer au-dessus de Gorlébella. Allons, pensais-je, Adèle sera contente. Je lui écrivis le soir même, de façon à ce qu'elle eût ma lettre avant la noce. Voici, lui disais-je, de quoi donner du cœur et des jambes à ton cavalier. Mais quand tu auras assez dansé, reviens-moi vite. Elle m'arriva plus tôt que je ne l'espérais, la semaine n'étant pas encore écoulée. On était sur la fin de mars. Un soleil plus tiède chauffait nos vitres et les marches de notre seuil. Les violiers qui formaient touffe de chaque côté de la porte s'apprêtaient à fleurir. J'avais entrepris de refaire la toilette de notre maison afin qu'Adèle la trouvât toute neuve, toute reluisante à son retour. De l'aube à la nuit pleine, je peignais, je vernissais, je frottais. Déjà la blancheur des boiseries, rehaussées de filets verts, avait eu le temps de sécher. Ce qui me ravissait surtout, c'était d'avoir pu rendre à nos meubles leur premier éclat, cette fraîcheur, cette pureté si engageante des choses qui n'ont pas servi. Il ne me restait plus qu'à fourbir le plancher, et c'est à quoi je m'étais attelé ce vendredi-là, dès le matin. Comme autrefois, quand j'étais de corvée pour le lavage du pont sur le Gemap ou le Melpomène, je m'étais mise à nu, ne gardant pour tout vêtement qu'un caleçon de toile bise noué au rein d'une ficelle. Ces grandes lessives en tenue de nègre, comme nous disions, étaient parmi nos meilleurs souvenirs du bord. Voici qu'il me semblait entendre, du fond de ma jeunesse, les rires, les lazzis de mes camarades, et cette évocation, jointe à la douceur de songer que l'absence d'Adèle allait prendre fin, m'emplit l'âme d'une telle allégresse juvénile que, tout en faisant mousser le savon sous le crin de ma brosse, moi, le moins mélodieux des hommes, je m'oubliais jusqu'à chanter. Il n'était guère varié mon répertoire. Vieux chants de matelots, improvisés sur le tillac ou dans les hautes vergues, et qui se lèguent d'un équipage à l'autre depuis des siècles. J'en avais retenu de ci de là des couplets épars qui, maintenant, me remontaient aux lèvres, comme renvoyés par les échos de toutes les mers où mes navigations anciennes avaient passé. Je les fredonnais comme ils me venaient, vaille que vaille, et cela n'avait aucun sens, hormis que le soleil était clair, qu'Adèle pourrait se mirer dans sa demeure, et que l'attente du bonheur est aussi capiteuse que le bonheur même. J'avais entonné, il me souvient, la ritournelle Malouine. C'est les filles de Cancale qui ont fait un armement, qui ont fait un armement, les basses voiles en dentelle, les avirons en argent. Et je lançais à tue-tête le refrain, ma brunette allons gai gai, quand une ravissante voix féminine au dehors termina, mamie allons gaiement. Le ciel se fut ouvert, laissant échapper toutes ces harmonies, que je n'eusse point éprouvé, je crois, un saisissement plus fort. J'étais à quatre pattes sur le parquet ruisselant et dans l'accoutrement que vous savez. Paralysé par l'émotion, c'est à peine si je réussis à me relever sur les genoux. « Toi ? » m'écriai-je. « C'est toi ?» J'avais croisé les mains dans un geste d'adoration, ainsi qu'on voit faire dans les tableaux d'église aux saints à qui la Vierge vient d'apparaître tout à coup. Elle, debout dans le cadre de la porte, souriait. Puis, ramenant ses jupes par crainte de les salir, elle s'avança vers moi sur la pointe des pieds. Et vraiment, sa démarche avait quelque chose de si léger, de si aérien, que je tremblais de la voir s'évanouir en un clin d'œil comme une figure de rêve, en effet, comme une apparition. Sa parole seule me rassura. « Attends, dit-elle, que je t'éponge. » Je voulus protester, Mais déjà, elle s'était emparée d'un linge et m'en frictionnait. Oh, la subtile et fluide caresse de ses doigts délicats! Jamais encore elle n'avait eu pour moi de ces menues attentions. Jamais non plus, à son contact, je n'avais frémi d'un pareil trouble. Tout en étanchant l'eau qui s'égouttait de mes membres, mêlée à la sueur, elle poursuivit, en phrases brèves, haletantes, où vibrait une ardeur inaccoutumée. « Tu me manquais trop à la fin. J'ai précipité mon départ. Je comptais d'abord t'envoyer une dépêche, mais j'ai préféré te surprendre. N'est-ce pas que j'ai bien fait? À Quimper, j'ai gagé le voiturin qui nous transporta l'hiver dernier, nous et nos meubles. Seulement, cette fois, ce pays du Cap, ce pays si triste, tu te rappelles? J'y suis rentrée comme en un jardin terrestre. N'étais-tu pas au bout de la route? Comme il fait bon ici! Et quelle arrivée joyeuse au bruit des chansons! » Je l'écoutais avidement, et mes yeux la buvaient toute, à longs traits, comme un filtre de magie, un puissant élixir de vie, d'amour et de volupté. Elle me revenait parée de je ne sais quelle séduction plus chaude, avec une lumière dans le regard qui avait quelque chose tout ensemble d'orageux et de languissant. On eût dit de ces flammes lourdes, énervantes, qui traversent parfois en haleine de feu nos ciels de juillet. À propos, lui demandai-je dans la soirée, et ce Tréquerois, cet Hervé Louarn? Ah oui, fit-elle, je ne t'ai pas encore remercié pour lui. Elle me tendit ses lèvres, et ses prunelles élargies se voilèrent comme d'une brume de songe sous les paupières qui battaient.